Le 6-9 du week-end sur France Inter. Bonjour Hervé Pochon. Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous. Eh bien, vous aussi, vous êtes allé dans les banlieues. Bah oui, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que Sevran. Bon, je suis allé à Montreuil, parce que imaginez-vous qu'à Montreuil, il y a un lieu assez étonnant qui s'appelle la Parole Errante, qui a d'ailleurs été à un moment menacé par des projets immobiliers, mais bon, pour le moment, il continue à vivre. C'est un centre international de création. Et là, il se déroulait, il y a quelque temps, la semaine de la folie ordinaire. Vous imaginez que le thème m'intéresse, la folie ordinaire. Un homme et une femme viennent vers moi avec un petit sourire. Vous faites quoi, monsieur? Bah, je sais pas. Moi, je me pose tout le temps la question, qu'est-ce que je fous là? Mais vous devez bien savoir ce que vous foutez là. Ah bah moi je travaille. Ah ouais. Non, vous savez ce qui se passe ici? Bah ici oui, c'est la semaine de la folie ordinaire, donc ça m'intéresse. Mmh. Oui, et vous faites quoi, madame? Alors écoutez, monsieur, je voulais juste vous dire, si vous restez un peu pendant l'après-midi, on peut en discuter entre nous de comment on se met d'accord sur ce qu'on répond, parce qu'on est un collectif très éclectique, donc moi je vais pas répondre là comme ça, je sais même pas pour quelle émission vous bossez, vous venez d'où monsieur, c'est quoi votre nom? Bah, moi je viens de France Inter, comme c'est écrit en rouge et blanc sur mon micro, et mon nom c'est Pochon, et le reportage sur la semaine de la folie ordinaire, vous voyez, est un peu plus compliqué que je ne pensais. Vous connaissez des gens ici qui pourraient me parler? Bah oui. Je peux vous demander ce que vous faites, monsieur? Je suis psychiatre. Je ne suis plus en établissement psychiatrique parce que je me suis opposé ouvertement à la diminution des lits de mon secteur en 97. Et j'ai donc pris la porte. Et depuis, je suis juste en cabinet. En tant que psychiatre, quelle est votre définition de la folie ordinaire? Oh là là! Nous, on y participe, surtout moi, parce que ça a quand même été initié par les patients du club thérapeutique de Reims. Artaud. Oui, Artaud. Quand ils ont fondé IMAPSI. Et donc, je suis solidaire de toutes les auto-organisations des patients. Vous ne regrettez pas d'avoir quitté l'hôpital psychiatrique? Ah, si, je regrette. Mon patron a fermé 75 lits en pouvant dire « j'ai fermé l'asile », ce qui est un mensonge éhonté. Donc, on n'a plus le temps de soigner les gens. On les met dehors trop tôt et on les reprend en catastrophe dans la violence. Tout ça pour des raisons économiques? Il y a eu les deux. Il y a eu des raisons économiques et des raisons idéologiques. En quoi c'était idéologique de fermer des lits? Dans les années 70, 80, 90, il y avait ce qu'on appelait la mode de l'antipsychiatrie italienne, qui critiquait beaucoup nos anciens. Parce qu'on n'avait pas fait disparaître l'asile et qui considérait que l'asile ne pouvait pas être réformé, donc fallait le détruire. La contention, c'est quoi? J'ai fait 10 ans d'hospitalier, j'ai jamais attaché aucun malade. Aujourd'hui, il y a toujours un ou deux malades attachés dans une chambre d'isolement. Cette réduction massive des lits a caché le fait qu'il y avait de moins en moins d'infirmiers psychiatriques. Et le résultat, c'est que pour protéger, entre guillemets, les soignants en nombre peu nombreux, on fait des chambres d'isolement, on fait des contentions, parce qu'ils arrivent dans des états catastrophiques. Aujourd'hui, la psychiatrie est en moins bonne santé que dans les années 70. Ah oui, hélas. Est-ce qu'on a tous un petit grain de folie? Oui. Nous, les gens qui considèrent ne pas avoir de grain de folie, on les appelle les normopathes. C'est une grave maladie. C'est une maladie incurable. Merci, docteur. Bon, mais je crois qu'il n'y a pas de normopathe autour de la table aujourd'hui. Ah, on Dina, a deux grains de folie. Dina est de retour. Oui, je suis de retour. Voyez, vous vous êtes réunis? C'est juste qu'en fait, on est un collectif très hétérogène et ça fait une semaine qu'on se réunit ici dans ce lieu qui est la Parole Errante et qu'on ne voudrait pas quand même que vous ayez que des interlocuteurs qui ne sont pas forcément dans l'organisation. Notamment cet homme-là qu'on n'a pas vu depuis une semaine et qui sûrement fait partie d'un collectif qui est présent ici mais qui n'est pas du tout dans l'organisation du truc. Il ne s'est pas présenté comme organisateur, il s'est juste présenté comme psychiatre. Alors là, tant mieux. Alors voilà, nous, on voudrait que vous essayiez de ne pas avoir trop de discours de psychiatre ici parce que, alors, je vais vous expliquer. Notre envie, pendant ces semaines de la folie ordinaire, c'est donner un peu la parole aux personnes que l'on n'entend jamais d'habitude. Moi, je suis organisatrice ici, je suis étudiante en psychologie, je fais une psychanalyse, j'ai eu affaire à certains médicaments dans ma vie, mais je ne peux pas non plus parler au nom de personnes qui ont vécu la contention, l'enfermement et des parcours beaucoup plus complexes. Donc c'est pour ça que je me garde un peu de prendre trop la parole. Indiquez-moi des patients qui acceptent de parler. Eh bien, il faut aller les voir. Bah voilà. Alors voilà, là, vous en avez un. Qui lève le doigt. C'est parfait. Voilà. Alors, si vous voulez écouter Fred, qui est un patient qui accepte de parler, soyez à l'écoute demain. Eh bien, demain, Hervé Pochon.